Bonjour, bonsoir, bienvenue dans La Pochette, l'émission dans laquelle on vous fait découvrir, on espère vous faire découvrir un groupe, surtout un album. Aujourd'hui, j'aimerais moi vous parler du premier album du groupe Laïs, qui s'écrit L-A-Y-M-A-S, qui est un groupe belge et pour préciser, un groupe flamand composé de trois chanteuses. Voilà, au début, trois chanteuses, il y en a une qui est partie, une autre qui s'intéresse, etc. Bref, trois chanteuses en règle générale et qui va être accompagné de plusieurs musiciens. Un groupe flamand, donc, qui va chanter majoritairement en vieux flamand, en français aussi, même si on sent que parfois c'est pas vraiment leur langue maternelle, mais ça peut être aussi du latin, du suédois, plein de langues européennes au final, et dans des styles finalement assez différents, qui vont aller de simple polyphonie à la voix, dans ce cas-là trois et peut-être plus quand c'est des enregistrements, à des choses un peu plus modernes, voire de temps en temps, mais il faut avouer que c'est pas si souvent que ça, parfois des compositions. C'est un groupe donc composé de trois chanteuses, accompagné de divers instruments, de la guitare acoustique électrique, des batteries, des percussions, accordéon, des flûtes, cornemuses, etc. Des choses, des instruments assez traditionnels, finalement assez folkloriques, avec des gros guillemets, si on accepte évidemment la guitare électrique. Tout ça pour dire que c'est un groupe de folk avec trois chanteuses, ce qui finalement est assez rare, surtout de nos jours où de plus en plus c'est un ou une chanteuse avec simplement une guitare. Là, pour le coup, ça va aller chercher beaucoup plus loin dans le folk, dans le traditionnel. Ça peut aller jusqu'à des vieilles polyphonies, des vieilles chansons médiévales, de la Renaissance, etc. Donc, c'est un groupe voilà, extrêmement intéressant. Et moi, je voulais parler de ce premier album parce que je l'ai découvert il y a 20 ans maintenant, je crois, quelque chose comme ça. Comment, je n'ai aucune idée. C'est un album qui est apparu subitement à la maison. Je pense que c'est ma mère qui l'a amené. Donc, si elle écoute, ben merci maman de m'avoir fait découvrir ce groupe-là. Après ce premier album sorti en 98, oui, parce que je ne l'ai pas dit, le groupe est de 96 et le premier album qu'on va écouter de 98, elles ont sorti quand même pas mal de trucs. Alors, il y a des albums en live, etc. Mais en tout, il y en a une bonne petite dizaine. Donc voilà, vous aurez, si vous aimez l'album qu'on va écouter, vous aurez de quoi découvrir derrière. Un album qui est très intéressant musicalement, puisque ça va, comme je le disais tout à l'heure, aller chercher très profondément, parfois dans le médiéval, dans la Renaissance, mais aussi dans des compositions plus modernes, etc. Donc, un album un peu, j'ai pas envie de dire fourre-tout, parce que ça semble un petit peu méchant, mais c'est un peu ça, un album très très varié, qui va aller de quelque chose de très profond et de très intense, qui peut parler de drame, etc., à des choses un peu plus légère. À noter une petite reprise de Jacques Brel au milieu de l'album, mais ça, je vais vous laisser le découvrir. Laïs, L-A-Y-M-A-S, voilà, le tréma est important pour le chercher sur Internet, vous allez voir, c'est vachement plus simple. Et voilà, je vais vous laisser, moi, écouter ce tout premier album sorti en 98 du groupe flamand Laïs. Salut! De wijnen, dat is er voor mijn mond. Al lag ik ziek te bedden, dan werd ik weer gezond. Al lag ik ziek te bedden, gekweld door menig venijn. De wijn geneest de pijnen. O wijn, wees welkom, wijn. Mijn markt de wijn beloven, zij is er het prijzen waard. En ook de schone vrouwen, die zijn er naar onze naart. Ik heb er nog meer te doen dan enkel dit glaasje klein. Daarom wil ik ze roemen, o wijn, wees welkom wijn. De wijn die komt van verre, zo menig melkereden. Op wagens en op karren tot hier, al binnen de steden. Zij komt eruit het land van Keulen, al over de Rijn. Getond in volle vaten, o wijn, wees welkom wijn. En is ze rood en helder, dan is zij ons goed gezind. En streelt zij onze tongen, dan is zij ongekend. O, als de mensen drinken met vrienden al bijeen. Uit glazen die daar klinken, o wijn, wees welkom wijn. Si vous nous écoutez toujours, c'est que vous êtes sur Internet. Comme d'habitude, ici, je ne mets qu'une chanson. Pour le coup, c'était la première chanson de l'album. Et voilà, je vous conseille d'écouter, d'écouter le reste. Alors, cette chanson-là n'est pas forcément ni la meilleure ni la plus mauvaise. Alors, moi, personnellement, je pense que c'est quand même une des préférées. Mais elle n'est pas la plus représentative, puisque, comme je disais, l'album a des chansons très différentes les unes des autres. Pour retrouver cet album-là en entier, vous tapez L-A-I-T-R-E-M-A. Itrema et Itrema, c'est les deux petits points. S sur Internet pour rajouter disque, album, musique, quelque chose pour retrouver plus facilement. Voilà, il en écoute un peu partout, mais vous pourrez le retrouver extrêmement facilement sur YouTube. Voilà, en entier, en une seule vidéo. Voilà, moi je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici La Pochette et je vous dis à la semaine prochaine dans La Boîte à Gants. Salut!